Chapitre 17e. Je fis un jour la partie de pénétrer plus avant dans l'intérieur de la forêt, du côté du Rio Dolce et des Botocudos. Un jeune ingénieur chargé d'exécuter certains travaux d'arpentage voyageait avec moi. Je savais que les difficultés ne me manqueraient pas, et je pris mes précautions en conséquence. Nous marchâmes deux journées entières, toujours à travers les bois, mais dans des chemins peu frayés. En allant de Victoria à Santa Cruz, j'avais dû entrer souvent dans l'eau. Cette fois, j'étais dans la boue. Plus d'une fois, nos cheveux faillirent y rester. Ils en avaient jusqu'au ventre. Cependant, plus nous avancions, plus les arbres et la végétation en général me paraissaient admirables. Nous passions dans des clairières où chaque arbre était couvert de fleurs. De temps à autre, je descendais de cheval pour tuer quelques oiseaux. Nous couchâmes la première nuit dans une baraque faite à peu près comme celle des cantonniers sur nos grandes routes, et malgré les inconvénients ordinaires de pareil gîte, j'y sommeillais agréablement au bruit d'une cascade. Le second soir, nous arrivâmes dans une case à appartement à mon hôte, et où vivaient, avec Manuel le Feitor, plusieurs Indiens cherchant du bois de palissandre. Ces bois, transformés en madriers, étaient traînés par des bœufs jusqu'au bord d'une petite rivière, dont les eaux basses empêchent alors les communications naturelles avec Santa Cruz. Je me couchai sur quelques planches. Messieurs les Indiens ajoutèrent à la chaleur de l'atmosphère celle d'un feu considérable et se couchèrent tout alentour. J'étouffais et j'eus d'affreux cauchemars. Au point du jour, on partit et l'on entra dans des bois encore plus impraticables que ceux qui étaient près de mon habitation ordinaire. Chacun de nous, armé d'un long sabre, nommé Manchetta, coupait et taillait à droite et à gauche. Les araignées, en très grand nombre, qu'on dérangeait, s'accrochaient partout à nos personnes. J'en avais des douzaines quelquefois sur le corps et sur le visage. Plus nous marchions, plus il nous devenait difficile d'avancer. Les bras se fatiguaient à force de couper. Nous étions au milieu d'une forêt de bambous tellement serrée que nos habits étaient partout déchirés. Nous marchions sur des tiges innombrables dont le sol était jonché à une très grande hauteur, le tout entremêlé de grandes feuilles armées de pointes aiguës. Nous arrivâmes ainsi au bord d'une rivière sans nom. Elle coulait fort bas au-dessous de nous. Pour arriver jusqu'à elle, il fallait céder des arbres qui la cachaient, souvent au risque de se briser la tête ou de s'estropier, si le point d'appui venait à manquer. J'avais déjà pris mon parti sur les contusions. Tout le monde était harassé. Nous allâmes nous asseoir en plein soleil sur une petite butte de sable pour nous reposer et déjeuner. Comme mon hôte avait intérêt à ménager l'ingénieur, il avait su trouver dans quelques coins retirés de sa case quelques bonnes provisions qui m'étaient tout à fait inconnues. Il fut décidé dans cette halte qu'on ne pouvait retourner dans les bois et qu'on essaierait de remonter la rivière. Je n'eus d'abord de l'eau que jusqu'aux hanches, mais au bout de quelque temps je fus forcé de quitter jusqu'à mon dernier vêtement, d'en faire un paquet, et ensuite de le placer sur mon fusil attaché en travers sur mes épaules. Ce n'était guère commode pour voyager, d'autant plus qu'il fallut en faire autant de mes autres instruments de chasse que j'aurais bien voulu n'avoir pas apportés. Je laissais loin devant moi mes compagnons et quelquefois, quand je n'avais de l'eau que jusqu'au cou, j'élevais les bras et je faisais lestement un croquis, regrettant de n'avoir pas derrière moi un collègue qui pût prendre une autre esquisse d'après moi. Ma pose avec mes bras en l'air, mes habits et mon fusil sur le cou, et bien peu de choses hors de l'eau devaient être d'un aspect assez pittoresque. Après avoir marché ainsi quelques heures dans l'eau, nous rencontrâmes des troncs d'arbres brisés et d'immenses pierres provenant de la montagne. Il fallait rentrer dans le bois, et comme les eaux à l'époque où elles sont grosses détrempent la terre pour longtemps en mettant les pieds sur un terrain qui ne paraissait solide, nous étions exposés à nous y enfoncer jusqu'à la hauteur de la cuisse. Heureux quand nous rencontrions quelques-uns de ces petits sentiers que font les tapirs pour aller boire à la rivière. Dans ces bois impraticables, nous ne pouvions plus guère faire usage de nos sabres et comme j'avais bien simplifié mon costume, j'étais déchiré de tous les côtés. Aussi, dès que les obstacles qui nous retenaient hors de la rivière étaient franchis, pareil à une compagnie de canards, nous nous précipitions dans l'eau, ou du moins nous pouvions marcher plus commodément tant qu'elle ne nous montait que jusqu'à la lèvre inférieure. Une fois dans la forêt, l'Indien qui me précédait m'arrêta en étendant la main, ce que j'allais faire de moi-même car un immense tronc d'arbre barrait le passage. Cet homme n'avait eu que son fusil à préserver de l'eau. il ne l'avait pas quitté, se bornant à l'élever de temps en temps pour ne pas le mouiller. Il visait un objet que je ne voyais pas et tira à bout portant sous le tronc d'arbre que j'allais essayer de franchir. Ce qui en sortit me fut reculer d'un pas. Je tombai à la renverse au milieu d'un tas d'épines. La douleur me fit relever d'autant plus vivement que j'étais en présence du fameux serpent Sukuruyu. Il était blessé à mort. Ce monstre paraissait avoir une dizaine de pieds. Il brisait avec sa queue tout ce qui était à sa portée. Sa tête, épaisse comme un groin de cochon, se dressait, et il faisait des efforts pour s'élancer sur nous. Mais vainement, il avait la colonne vertébrale brisée. Je me souviens, comme si c'était d'hier, de l'effet que produisait sur moi cette gueule béante, montrant deux crochets de venin, dont la moindre atteinte nous eût donné instantanément la mort. Il se débattit une demi-heure. Les Indiens voulaient l'achever, mais mon parti était pris. Je tenais à l'emporter sans le détériorer. Sa blessure ne l'avait pas trop endommagée. Je le vis s'affaiblir insensiblement de lui-même et quand il ne fit plus aucun mouvement, je coupai une forte liane, car il ne fallait pas songer à demander aux Indiens de m'aider. Je m'approchai avec précaution. Je touchai l'animal à la tête avec une branche et m'étant assuré qu'il était bien mort, je lui passai la liane au cou en faisant un nœud. Les Indiens regardaient en silence. Ensuite, je traînai longtemps le monstre, ce qui n'était pas facile. Les divers objets attachés à mes épaules me fatiguaient, et le poids du serpent était considérable. Cependant, l'Indien qui avait tué le Sukuruyu m'offrit de m'aider, ce dont je fus fort aise, car je ne sais si mes forces m'eussent suffi pour continuer la route. La nuit tombée, les Indiens, avec l'instinct de la bête fauve, nous dirigeaient tout en taillant notre chemin. Souvent, on entendait fuir des êtres qu'on ne pouvait apercevoir. Les chiens se serraient près de nous. De tous côtés, on entrevoyait des objets de nature à effrayer. Des feux pareils aux feux follets qui égarent le voyageur voltigeaient çà et là. J'eus la curiosité de connaître par quelle cause ils étaient produits. Je mis la main sur de vieilles souches pourries et j'y pris quelques parcelles brillantes comme de longs vers luisants. Plus tard, quand je voulus en voir l'effet, le phosphore avait disparu. Cependant, je tirai toujours mon serpent, moitié seul, moitié avec l'Indien, mais quand nos guides eurent reconnu qu'ils étaient à peu de distance d'une case, ils me prièrent de laisser là ma proie, afin, disaient-ils, de ne pas attirer d'autres individus de la même espèce qui ordinairement suivent la trace du sang. J'accédai à leur demande, mais le lendemain, au point du jour, armé d'un scalpel et de mon bon vieux coutelas, je vins me mettre de tout cœur à l'opération que j'avais projetée. J'attachai à une haute branche le Sukuruyu, après lui avoir coupé la tête, que je mis aussitôt dans un gros flacon rempli d'esprit de vin. À peine les Indiens eurent-ils compris ce que je voulais faire, qu'ils se sauvèrent dans le bois, et pendant tout le temps que j'employai à dépouiller et à retourner la peau du serpent, ce qui fut assez long, je pus apercevoir derrière des troncs leurs yeux effrayés. Mon travail achevé, tout le monde rentra dans la case et malgré l'assurance que je mis à déclarer que je n'avais pas trouvé de dard à la queue, aucun Indien ne voulut me croire.